Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro hors série du Comptoir du Cercle. On vous avait prévenu lors du dernier numéro de septembre qu'on allait se faire ce hors série sur la saga Jurassic Park. Alors évidemment, là, ça y est, on est retourné au complet. On a les quatre membres de l'équipe. Je suis donc accompagné de Mei-Chan. Salut à tous. De Père Chapi. Oh, bonsoir. Et du plus vil d'entre nous, Kilvan, j'ai envie de dire. Ah, c'est moi. Voilà, toujours le plus sale en tout cas. Alors aujourd'hui, donc, comme on vous l'a dit, on va se faire un retour sur la saga Jurassic Park, puisque c'est une saga qui est quasiment incontournable dans l'univers du film d'aventure, et du film tout court d'ailleurs, parce que son rayonnement a été largement plus loin que le film d'aventure. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour ce numéro. Il y a 5 épisodes dans la saga, donc on va essayer de traiter ça environ 10 minutes chaque épisode pour que ce soit assez synthétique. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a des consensus assez généraux sur certains films, en tout cas de la saga. Donc voilà, on va faire par ordre chronologique. On va commencer par le premier Jurassic Park et puis on va finir par Jurassic World The Fallen Kingdom. On va donc commencer tout de suite avec le premier Jurassic Park. Alors, je vais faire comme pour tous les films, je vais commencer par faire une petite intro, vous resituer le truc, et puis après on fera une discussion. Donc Jurassic Park, c'est un film qui est né en 1993 par Steven Spielberg, évidemment, tout le monde le sait. Avec au casting, on a l'excellent Sam Neill, on a aussi Laura Dern, Jeff Goldblum, qui n'est plus à présenter depuis, et puis Richard Attenborough, qui est le scientifique John Hammond. Alors il faut savoir que le film, ça a été le plus gros succès du box-office, du box-office de l'histoire au moment où il est sorti. Il y a eu plusieurs ressorties depuis, il est ressorti au cinéma. Il y a donc 1,29 milliard de recettes depuis 1993. C'est complètement délirant, mais vous allez voir que ça va l'être encore plus après. Ce film est donc basé sur le roman qui lui aussi a eu énormément de succès, qui a été écrit par Michael Crichton. Et donc le pitch, alors on va refaire les pitchs à chaque fois. Bon, le premier Jurassic Park, évidemment, vous le connaissez, d'autres peut-être moins bien. Le professeur John Hammond de la compagnie InGen, il a trouvé le moyen de ramener les dinosaures sur Terre à la vie. Et il souhaite faire un parc d'attractions autour de cette thématique. Il invite donc, afin de valider le parc, les professeurs Alan Grant, donc Sam Neill, Ellie Sattler, qui est jouée par Laura Dern, et puis Ian Malcolm, Jeff Goldblum, pour avoir leur aval scientifique sur Isla Nublar, qui est donc une île qui se trouve, je ne sais plus, à 120 km à l'ouest du Costa Rica, si ma mémoire est bonne. Enfin, je sais que c'est là, mais à combien de kilomètres, on s'en fout un peu. En tout cas, c'est à côté du Costa Rica. Donc, il amène également ses deux petits-enfants, et puis son avocat sur l'île. Donc tout ce petit monde va se retrouver dans le Jurassic Park à tester le parc avant que celui-ci s'ouvre. Pendant la visite, il y a un informaticien qui est en affaire avec un groupe privé qui a donc été corrompu et qui plante le système de sécurité pendant 20 minutes pour récupérer des embryons de dinosaures et les revendre. Manque de bol, pendant la manip, il se fait tuer et donc du coup le parc reste sans défense puisque c'est lui qui avait le mot de passe pour reboot tout le système. Et là, ça commence à être le dawa, tout simplement, puisque tous les dinosaures sont en liberté. Donc voilà, un film qui a eu un succès retentissant, qui a été aussi un des principaux moteurs de la dinomania. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, 93, ben moi j'avais 10 ans. Je me souviens que c'était la folie de la dinomania dans tous les secteurs culturels. Ah, clairement. Ouais. Et donc voilà, on va faire le point un petit peu sur ce film iconique et puis sur vos avis à vous trois. Donc on va commencer, je sais pas, Père Chapi, dis-moi un petit peu ce que toi tu as pensé. Est-ce que tu as vu le film à l'époque où il est sorti? Qu'est-ce que ça t'a fait? À 93, moi j'avais 13 ans, donc j'étais tout jeune et la dinomania, c'est vrai que je l'avais un peu prise de tête. Ouais, j'étais allé voir au cinéma avec ma tante, je me rappelle, parce que j'allais souvent avec ma tante au cinéma, et on s'était pris une énorme claque, tout simplement, en fait. Pour moi, c'était les dinosaures, ils étaient presque vivants, quoi. Enfin, il y avait absolument, tu voyais absolument pas la CG, pour moi, tu voyais rien du tout, quoi, et tu voyais juste un film trop bien animé. Après, Après, en fait, si tu veux, moi, je suis toujours resté un petit peu extame de gamin, en fait, devant les Jurassic Park. Ouais, pas pareil, moi. Où, je m'évermaille un peu devant le monde, etc. Après, l'histoire, je vois que je m'en bats un peu les cacahuètes, quoi. Enfin, tout du moins, jusqu'à ce que j'ai eu 18 ans, quoi. Entre 13 et 18, et les principaux Jurassic que je regardais. Derrière, il y a eu le 1 et le 2, je crois, c'est tout. On verra après. Mais globalement, en fait, c'était hyper féerique. C'était génial et puis c'était un rêve de gosse quand t'étais petit en école primaire etc on te montre les dinosaures dans des bouquins et tout et bon bah là tu les vois clairement animés quoi. Oui non mais c'est clair alors on peut revenir deux minutes sur le sur les effets spéciaux parce que c'est vrai on se rend pas forcément compte aujourd'hui même en le revoyant aujourd'hui moi j'ai trouvé les effets spéciaux hyper crédibles c'est extraordinaire non mais c'est magnifique alors déjà les animatroniques bon ça évidemment c'est fait en dur hein, donc il y a un réalisme des peaux des regards qui est assez des mouvements même hein, qui est assez incroyable et moi à chaque fois que je parle avec quelqu'un de ce film Jurassic Park je mets un autre film à côté de lui pour qu'on voit un peu la différence et l'avancée technologique que ce film c'était. 93, c'est aussi la sortie d'Alien 3. Vous comparez les effets spéciaux d'Alien 3 et de Jurassic Park, mais c'est le jour et la nuit. Enfin, autant l'incrustation dans Alien 3 elle est évidente, autant dans Jurassic Park, mais il y a un détail, il y a une fluidité des mouvements, c'est tout simplement incroyable. Je crois que c'est surtout ça qui a marqué les jeunes Kilvan. Bah alors moi l'anecdote c'est que bon, j'avais quand même que 4 ans quand j'ai vu le je dirais mes parents m'ont emmené au cinéma voir ça et je m'étais agrippé à mon daron dans la scène des vélociraptors dans la cuisine. Oui. Je m'en souviens parce que ouais. J'ai un peu flippé quand t'as 4 ans quoi. C'est clair. Mais moi je suis je trouve que même encore aujourd'hui, il y a que allez, je vois que une scène qui fait entre guillemets pas super où tu vois peut-être maintenant avec le 2 maintenant que c'est des machines et que c'est mal fait, c'est dans la scène où en gros il y a le chasseur qui essaye de piéger, tu sais, oui, il se fait prendre en triangle, il met son chapeau devant, oui, et quand le raptor lui saute dessus, oui, c'est le seul moment du film où pour moi tu vois que c'est une maquette. Petite c'est quand même incroyable, coquine. Genre je dois citer une scène vraiment très particulière à un moment particulier, et je veux dire, c'est limite un truc de transition. Tu vois la bestiole qui lui saute dessus. Ça enlève rien à la qualité de la scène. Mais c'est le seul moment du film où tu vois qu'ils sont pas réels, les bestioles, quoi. C'est trop bien fait. C'est un truc extra, quoi. Et moi, je mets souvent en parallèle, je trouve que le fait que ce soit vraiment quelque chose qui est physique et pas un truc qui est généré par ordinateur, ça fait un peu penser au travail de Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, c'est la personne qui a fait Jason et les Argonautes, le choc des Titans, et qui a fait le Kraken, le Kraken de 20 milieux sous les mers en stop motion. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu l'animatronics, c'est un peu, enfin, quand c'est fait avec un grand budget, je trouve que c'est un peu la version ultime du stop motion en termes de qualité d'animation, quoi. En fait, c'est le stop motion, mais sans les frames qui manquent, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que le travail a été incroyable. Enfin, je sais pas si vous avez vu, il y avait à l'époque, ils avaient sorti un documentaire aussi sur les sets de tournage, tous les techniciens qui avaient avec leur grosse télécommande là, qui animaient à 3, 4 le T-Rex ou le Vélociraptor. C'est vrai qu'il y a un boulot derrière, mais qui était colossal à l'époque. Hein. On se rend pas compte aujourd'hui, mais 1993 pour le cinéma, c'était il y a 10 000 ans, quoi. Enfin, quand tu vois les effets spéciaux d'aujourd'hui, c'était complètement une autre époque, quoi. Et toi, du coup, May, tu l'as vu aussi à sa sortie ? Alors, j'étais petite, hein, 93, j'avais 5, 6 ans, donc j'ai pas trop de souvenirs de si on m'avait emmené au ciné ou pas. Je sais qu'on l'avait en VHS à la maison après. Donc on l'a pas mal saigné avec mon frère et c'est vrai que enfin la folie des dinos c'était un truc de ouf parce qu'on avait pratiquement pas tous les jouets mais une bonne partie des jouets. Je me rappelle qu'on avait un, c'était le stégosaure où tu pouvais lui enlever un bout, tu vois, de sa chair et tu voyais à l'intérieur, quoi. C'était oui, excellent. Et non, ce film, il est génial, même quand t'es gosse. Enfin, je l'ai remontré, bah, du coup, quand je l'ai regardé, j'ai vu avec ma fille. Et du coup, enfin, à chaque fois, elle voyait, c'était, oh, les dinosaures, les dinosaures. Tu sais, quel que soit l'âge, en fait, même si le film, il date il y a plus de 20 ans, bah, ça a toujours le même effet, sur n'importe qui, quoi. C'est un truc de ouf. Et ouais, l'animation, moi, ce qui me marque le plus, c'est le. Tellement c'est bien fait, c'est le quoi quand ils vont voir la Triceratops qui est malade, quoi. Oui, T'as ça vraiment c'est. l'impression que elle est réelle, elle existe. Et tu te dis, ils t'ont pris un véritable Triceratops, il est là, il est vivant, et alors qu'en fait, non, pas du tout. Ouais, non, c'est ça qui est incroyable, le passage du temps sur ce film. En même temps, c'est vraiment le film d'aventure par excellence, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on a une prémisse, déjà avec des éléments bah, fantastiques, hein, tout simplement, puisque revoir des dinosaures, ça semblait complètement impossible. Et en même temps, tu as tous les éléments que tu aimes à la fois dans un film de Steven Spielberg et dans un film d'aventure. T'as les différentes étapes avec les différents moments de tension, les relâchements. C'est vrai que tu as aussi. Bah, faut aussi reconnaître le travail de Ian Malcolm, de Jeff Goldblum sur le film, parce que c'est vraiment lui le comic relief en fait du film, hein. Même quand ça devient même parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques scènes gore, hein, dans le film, ou du moins, même si elles sont pas gore, elles sont très impressionnantes pour des jeunes. Et Ah, du coup, clairement. Ian Malcolm, c'est le perso qui dit, ah bah, faut peut-être aller un peu plus vite, ou enfin, genre la scène où ils sont en train de se faire courser par le T-Rex et que lui est à l'arrière de la voiture, bah voilà, typiquement il fait un trait d'humour alors qu'ils sont à deux doigts de se faire bouffer par un T-Rex qui est en train de leur courir derrière. C'est assez violent de base, mais voilà, je trouve qu'il y a une distribution aussi des personnages qui est vraiment très, enfin, il y a un moment magique, hein, de toute façon, sur ce film. Il y a tout, enfin, les astres se sont alignés, j'ai envie de dire, et absolument tout est réussi. Alors c'est vrai que c'est un film, bon, qui est donc à engranger énormément énormément d'argent, pardon, on disait 1,29 milliard, mais vous verrez qu'en fait c'est quasiment il est même pas dans le trio de tête. Ah, si, c'est le troisième qui a fait le plus d'argent. Les films Jurassic World, on y reviendra, en fait beaucoup plus, ce qui est étonnant. Alors peut-être forcément, peut-être par l'aspect démographique, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui. Coût de production aussi, je pense. Alors peut-être, j'ai pas regardé combien ça coûtait la prod. J'avoue que j'ai omis ce truc-là. Mais même au niveau des critiques, à l'époque. Le film, il a été, alors il n'a pas été encensé parce qu'on connaît les critiques de films, parfois sont un peu dures, et notamment il y avait des critiques qui disaient que le film s'écartait trop du roman de Michael Crichton. Mais il y a quand même un consensus populaire sur ce film qui fait que, allez, on va dire, bah, pour moi déjà, c'est le meilleur film de Steven Spielberg, même s'il en a fait vraiment d'excellent, c'est celui dans lequel j'ai le plus de plaisir à me retrouver. Et en même temps, comme je disais, c'est un film qui est capable de rassembler toute la famille, quoi. C'est sûr, il y a des scènes qui sont impressionnantes, mais il y a vraiment des personnages qui sont hyper attachants, des scènes, enfin, la première fois qu'ils sont en train de découvrir les Diplodocus qui marchent dans la prairie, là, c'est vraiment, enfin, c'est fantastique, cette scène, quoi. Il y a que des scènes comme ça iconiques, mais en même temps, on était à une époque où, avec du recul maintenant, ces scènes iconiques, eh ben, elles paraissaient de bon ton. C'est-à-dire qu'elle paraissait pas over the top, quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand on va reparler des Jurassic World, il n'y a pas cette magie, quoi. Tu vois, tu sens clairement que les producteurs, ils ont mis ça là parce que ça faisait bien et que ça allait plaire au maximum de gens. Mais c'est du fan service, en fait. Alors que là, il n'y avait pas vraiment de fan service. Enfin, de mon point de vue, il n'y en avait pas. Même si, évidemment, il y avait du fan service quand même, parce que. C'est un 1, donc c'est compliqué de parler de fan C'est service. service, ouais, c'est Oui, mais un. tu sais, alors justement, Alors que c'est un 1, quoi. j'ai lu du coup des trucs sur la Dinomania, tout ça, et en fait, ça a été orchestré assez en avance, hein, par Steven Spielberg et son studio. Alors, en Et 88, Denver, surtout. Oui, Denver, le dernier dinosaure, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai qu'en 88, ils ont sorti Les Aventures de Petit Pied. Je sais plus comment ça s'appelait. Vous vous souvenez du Oui, film? Petit Ouais, pied, voilà, le le dessin voyage du animé. petit pied, c'était Ouais, et trop donc bien. du coup, voilà, ils ont commencé à miser là-dessus, et puis pendant toutes les années suivantes, ils ont essayé de miser un petit peu sur l'attrait du public sur les dinosaures, pour les dinosaures. Et donc Jurassic Park, ça a été ce point culminant de cet attrait pour les dinosaures. En tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin d'épiloguer grandement sur ce film. Je pense que vous tous, vous reconnaissez le talent qui a été, et la passion surtout, parce que il y a vraiment, on sent la passion dans ce film quand même, hein. Il y a un truc qui est assez rigolo quand tu parlais de la critique, en fait. Parce que j'ai un peu regardé en fait, tu sais, sur des sites un peu de métacritique en fait, Ouais. qui consolident des scores un peu Ouais. partout. Alors sur Jurassic Park, en fait, tu vas être, c'est assez rigolo parce que le Metascore en fait, presse, c'est 68 sur 100. Ah ouais. Donc c'est assez peu en Oh, fait. non mais les critiques ils sont sans Et pitié. voilà. Et par contre, ce qui est très rigolo, c'est que du coup, il colle à côté le Metacritic en fait des users, quoi, des Ouais. gens en fait. Et le user score est à 88. Oui, Ouais. voilà. Mais Donc typiquement. c'est assez rigolo, quoi. Donc, quand tu disais qu'il y avait des fois un peu la presse un peu dure, là je trouve que ouais, Jurassic Park, le premier, il vaut pas 68, quoi. C'est Je veux un peu dire, si on met abusé. 68 à Jurassic Park, quel film mérite 90, quoi? C'est ça. Enfin, en tout Ouais. cas, film d'aventure. Après, si on est chiant, faut bien faire le mec chiant, ça reste un film d'aventure classique qui dans le dernier tiers devient un slasher de base et avec une morale mielleuse. Oui, hein, il y a différents Enfin, segments dans le film. si on veut être très chiant, on peut lui trouver des défauts au film, hein. Mais Oui. c'est vraiment, enfin, enfin, tu lui trouves ses défauts uniquement si tu décontextualises complètement, enfin, la vision globale du truc, quoi. Enfin, c'est un film, c'est pas la somme de ses parties, quoi. Mais C'est oui. une espèce d'alchimie globale qui fait que le film est bien, quoi. Et donc, si on atomise le truc en d'une côté le scénario, la technique, la bande son, je sais pas, le grain de pellicule, la technique utilisée, peut-être qu'on pourra lui baisser sa note, mais c'est stupide, Mais quoi. voilà, mais du coup, ça prouve qu'il faut en arriver à ce point-là, tu vois, pour trouver des défauts, ce qui Après, est. c'est mon avis. Je sais pas Ouais. si on peut dire on doit en arriver là, mais moi je trouve c'est assez bête, quoi. Généralement, les critiques, les mauvaises critiques que j'ai eues dessus, pour moi, c'est du pinaillage, quoi. Oui, c'est de Ouais, la ça technique, en fait, décortique quoi. le film pour pas Histoire, grand-chose, parce qu'il faut absolument le trouver des défauts, parce que c'est pas du grand cinéma d'auteur, de je sais pas quoi. quoi. Ah oui, Ouais. non, c'est sûr, ça parle pas de la Seconde Guerre mondiale avec des familles en pleurs, c'est sûr. Exactement. Bon, voilà, on va passer donc du coup au deuxième, Le Monde Perdu, 2 points, Jurassic Park. Hein, ça, c'est un segment qui a été aussi réalisé par Steven Spielberg en 1997. On retrouve cette fois-ci Jeff Goldblum, qui est accompagné de Julianne Moore, de Vince Vaughn, et puis l'excellent Peter Stromer. Ce nom vous dit sans doute rien, mais c'est le méchant qu'il y avait dans Prison Break, qu'on retrouve dans des seconds rôles de pas mal de films. Il a vraiment une bonne tête de méchant, ce mec, et j'aime beaucoup cet acteur. Alors là, ça a été la chute vertigineuse, puisqu'on est passé de 1,29 milliard de recettes pour le premier Jurassic Park à 618 millions pour le 2. C'est toujours un film qui a été fait d'après le roman de Michael Crichton, hein, Pourquoi arrêter? Le pitch, donc, c'est le neveu de John Hammond, qui s'appelle Peter Ludlow. Il éjecte son oncle de la société InGen et il désire ramener les dinosaures sur le continent américain pour en faire des attractions. Donc, ils abandonnent complètement l'idée de parc sur une île. Et le pognon, hein, toujours le pognon. Donc, on va risquer nos vies pour aller récupérer les dinosaures. Alors là, ça se passe pas sur Isla Nublar, hein, qui était l'île où était Jurassic Park. Ça se passe sur Isla Sorna, qui est l'autre île à côté. Puisqu'il y a plus, c'est un île, c'est un archipel, les îles où se passe Jurassic Park, il y a plusieurs îles. Et donc Isla Sorna, en fait, c'était l'usine qui servait à la recréation des dinosaures. Et donc tous les dinosaures étaient créés là-bas et ils étaient envoyés après sur Isla Nublar pour le parc d'attractions. Alors John Hammond, donc, qui s'est fait éjecter, bah, il demande à Ian Malcolm et le professeur Sarah Harding, qui est donc Julianne Moore, qui est son ex, d'aller sur les lieux pour essayer de sauver les meubles. Bien sûr, puisqu'il ne veut pas que les dinosaures tombent à des fins, dans des mains à des fins commerciales. Et il emmène aussi sa fille Kelly, hein, le professeur Ian Malcolm, qui se cache dans un camion, la petite coquine, hein, elle voulait voir les dinosaures. Donc voilà, tout ce petit monde, eh bien, se retrouve dans un affrontement, hein. Donc d'un côté, on a le professeur Malcolm avec Julianne Moore, qui essaye de respecter les dinosaures. Et de l'autre, on a Peter Ludlow avec son équipe de mercenaires, qui essaye de capturer les dinosaures pour pouvoir les ramener sur la terre ferme. Voilà, donc bon, c'est une suite, mais qui a voulu faire encore plus que le premier. C'est assez évident. Puis de toute façon, voilà, il fallait proposer quelque chose d'encore plus grand pour pouvoir dépasser déjà la grandeur de Jurassic Park. Alors le film a été vachement moyennement reçu. Alors je sais pas, bah, par exemple Mei-chan, tiens, est-ce que toi tu peux me donner ton avis dessus, parce que moi je suis assez, enfin je sais pourquoi j'aime beaucoup moins ce film, mais je suis intéressé d'avoir ton avis. Moi, pour moi, il n'était pas. Autant le deuxième que le troisième, pour moi, ils n'étaient pas nécessaires, en fait. Je sais pas, y avait un truc en moins. C'était vraiment, tu sais, faire une suite pour surfer sur le truc de, voilà, le premier, il a marché, il faut faire un deuxième et ça marchera aussi. Il n'y avait pas le. Tu sais, toute la magie qu'il y avait dans le premier, quoi. C'était moins. Alors, il faut rappeler Je sais pas, moi, aussi c'est ça qui m'a manqué, quoi. il faut rappeler qu'on est aussi dans les années 90. Hein. Aujourd'hui, bon, on s'étonne pas de voir 25 films Marvel sortir à la suite, c'est-à-dire ça choque personne. Mais dans les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de films où il y avait des suites directes. Hein. On a eu les Terminator, on a Ouais, eu d'autres trucs. Enfin, ça se faisait pas, quoi. Il y a les Aliens aussi, dont on a parlé, mais c'était pas un business model que de faire des films à la chaîne pour engranger du pognon, quoi. Hein. On faisait des films parce qu'on aimait ça et parce que les studios savaient que ça allait rapporter. Mais c'était pas encore dans l'optique de faire des sagas. D'ailleurs, personne, quand le Monde Perdu est sorti, personne ne parlait de saga Jurassic Park. Hein. Ça n'existait pas. à le revoir aujourd'hui, parce que moi, à l'époque, en fait, je les ai pas vus. Ou alors je les ai vus, mais vraiment survolés, quoi. Et du coup, là, j'ai vraiment regardé. Et moi, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est vraiment qu'il a été fait parce que fallait faire une suite, tu Ah, vois. ça sent Il le y film de a... commande à plein nez, ouais. Ouais, c'est ça qui est que je trouve dommage, parce que du coup, la magie par rapport au premier, elle s'est perdue en route, quoi. Alors du coup, moi je sais exactement pourquoi ça s'est cassé la gueule. Enfin, dans le film en tout cas. Alors déjà, il y a quelques trucs dont je voudrais parler avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière partie avec le T-Rex qui se retrouve dans les maisons américaines? Est-ce que ça, c'était vraiment ce que les gens voulaient voir? Est-ce que ça, c'est pas du fan service, tiens, par exemple? Voilà, parce qu'on veut confronter un dinosaure à notre monde réel à nous. Est-ce que c'était nécessaire, ça? Alors pour moi, c'est un hommage maladroit à King Kong. Ah oui, c'est vrai, tiens, Je j'ai pas pensé à ça, ouais. pense que en fait Spielberg a voulu un peu rendre hommage au film au King Kong, celui en noir et blanc. Là, je sais plus de quelle année il est. Je crois que c'est 1960, quelque chose comme ça. Oh, Même avant, j'en je sais crois que rien. ça va être avant, Je vais hein. pas dire de bêtises, donc je sais plus quelle année. Qui en fait, enfin, c'est où King Kong se fait ramener d'une île et en gros il monte un spectacle avec King Kong pour faire des sous dans un opéra de New York, et puis ça finit où en gros le singe monte en haut de l'Empire State Building et se fait abattre par des avions. Pour moi en fait c'est la version 1997 de King Kong, quoi. Il s'est dit, pour moi, faut voir ça comme. C'est un peu après où on a commencé à reboot un peu tous les personnages de l'univers. Tous les monstres, un peu, les momies, Oui, c'est vrai que ça a beaucoup marché, ça, fin des années 90. Ouais. les holomans et compagnie, qui sont en fait les monstres d'Universal, quoi. Enfin, c'est-à-dire le loup-garou, l'homme invisible, etc. Eh bien là pour moi en fait c'est un peu celui qui a lancé le truc, quoi. Il s'est dit, bah tiens, j'ai un film qui est fini, j'ai un film qui est fini, qui est assez court pour une grosse production, alors que j'ai le nom Jurassic Park dessus. Donc ce que je vais faire, c'est je vais rajouter une grande scène qui fonctionne. Après, c'est chacun ses goûts, ça fonctionne plus ou moins, quoi. C'est pas la partie chiante du film non plus, même si c'est un peu abusé. Mais voilà, quoi. C'est vraiment une scène hommage, et qu'ils ont dû s'amuser en fait à la je pense qu'ils ont dû s'amuser à la faire, en fait, et le rendu final est peut-être pas à hauteur de l'amusement qu'ils se sont fait à la faire, à mon avis, tu vois. Enfin, Mais c'est marrant parce que moi, tu vois, quand je l'ai. Bon, je me rappelle, j'ai été aussi au cinéma pour le voir. Alors donc, j'avais 14 ans. Mais déjà, du haut de mes 14 ans, moi, j'avais compris que on faisait ça pour nous faire plaisir, tu vois. Et enfin, j'avais trouvé qu'il y avait un truc qui clochait avec cette partie, quoi. Parce que c'est vrai que pendant tout le film, on est dans un univers de jungle, on est en mode survie, tout ça. Et là, bizarre, exactement comme tu dis, enfin, on se retrouve vraiment dans un film classique du début du siècle, enfin voilà, c'est vrai que c'est King Kong, c'est exactement King Kong, et j'ai pas compris le déplacement dans le focus du film entre le film d'aventure et cette espèce de version catastrophe urbaine. Même à 14 ans, ça m'avait choqué, quoi. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, mais ça me paraissait pas en place, quoi. Pas du tout. Alors après, bon, aussi, il y a quelques trucs dans le film qui font que c'est vraiment parce qu'il faut en faire plus. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène où il y a la fille de Ian Malcolm qui se retrouve avec un vélociraptor en dessous d'elle et qui est accroché à une barre et qui commence à faire de la barre asymétrique. Oh, elle commence à faire de la gymnastique. Non, mais... avec le raptor qui est en dessous elle, mais cette scène elle est magique tellement elle est mauvaise, quoi. Enfin, et moi je trouve que cette scène résume très bien le film, c'est à dire qu'on reprend le postulat de base de Jurassic Park, mais bon, on le met quand même un peu sur le trottoir parce que il faut gratter quelques pesos, quoi, tu vois. C'est quitte à ce que la cohérence de la narration et de l'univers en prenne un coup, quoi. Pour moi c'est ça, il y a vraiment un problème de cohérence de l'univers Moi, après, pour reprendre, je pense que l'idée de Steven sur King Kong, elle est tout sauf bête, quoi. Ouais, moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas quelque part un peu inspiré, pompé des kaijus japonais, quoi, genre Godzilla? Oui, bah, c'est une autre source sûre d'inspiration. Ah, c'est clairement ça. C'est le même truc, hein. Parce que c'est vrai que, bon, alors les Japonais, ils ont ce côté un peu malsain d'avoir toujours aimé avoir des monstres qui pètent leur ville, ou qui la sauvent, c'est un peu différent. Mais moi j'avais un peu pensé à ça sur le coup. Je m'étais dit ouais, c'est assez proche. Alors même si c'est pas trop kaiju, mais bon, why not? Non, mais en tout cas, voilà, le film a été quand même vachement moins bien reçu que le premier. Ça prouve quand même à la fois de la part du public et à la fois de la part des critiques. Donc ça prouve quand même que la magie du premier n'était. Enfin voilà, peut-être que ce que disait May, c'est vrai. Hein, c'est peut-être que ce film aurait dû rester un one shot en fait. Ah mais moi j'en suis persuadé. Clairement. Bah, pour moi, ce truc, le 1 était la finale. Parce que tout est dit en fait dans le film. Bah ouais, le truc c'est que le 1 en fait, c'est un énorme succès. Bah, en fait, c'est un coup de maître d'un point de vue de l'animation et de la filmographie en elle-même, quoi. C'est-à-dire que le mec il a fait un truc, techniquement c'était quasiment impossible à faire en 93. Une fois que t'as fait ça, t'innoves quoi en fait? Mais oui. Tu restes toujours. Ton histoire, c'est toujours des dinosaures dont tu vas pas pouvoir en transformer en monstres de l'espace, quoi. Enfin, genre, c'est toujours une histoire avec une île et des dinosaures. Bah, par contre, tu peux sortir. Ouais, à sa décharge, quand même, le film au niveau des effets spéciaux, en 4 ans d'écart, il y a quand même. Enfin, il est monstrueux, hein, le film au niveau. Oui, il est. Mais c'est pas le même gap, je pense, par rapport aux réalisations qu'il y avait en 93. Oui, non, ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Tu vois, et en gros, t'as l'impression que le mec, il a tout donné sur le premier. Après, je suis désolé, quoi. Pour moi, ça peut être nécessairement tous les épisodes d'après sont forcément moins bien, quoi. Oui, on est d'accord. Bon, en tout cas, oui, c'est... Et d'ailleurs, entre le 1, le 2 et le 3, pour moi, c'est la lampe descente aux enfers. Le World pas, a un... pas pour moi, tu vois. On en reparlera, mais... Et après, bon, le World a un peu remonté un petit peu la pente. Et alors après, le World 2, alors là... Là, c'est la descente. Qui, Valérie, tu veux dire quelque chose? Moi, je voulais juste dire, je pense aussi, il y a un truc, je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais moi, c'est un autre point très important qui fait que c'est celui que j'aime le moins, enfin, le des trois originaux, le 2, c'est qu'en fait, je trouve que Jeff Goldblum, il est mauvais en tant que personnage principal qu'on suit. Oui, parce que c'était le comic relief dans le premier, comme tu dis. C'était un peu le personnage chelou, mais je trouve qu'il a pas du tout le charisme naturel du héros du premier, en fait. Bah, le problème, c'est qu'ils ont voulu lui donner des responsabilités dans ce film. Et c'est ça le gros problème, c'est que tu peux pas, un personnage qui vit dans le second degré, qui vit dans l'ironie, ça ne peut pas devenir un personnage principal. Quand tu regardes la différence de traitement de caractère de Jeff Goldblum dans le 1 et le 2, dans le 2, c'est un père de famille, il a des responsabilités, il est plus du tout dans le badinage, quoi, en fait. Et c'est ça le gros problème. À la fois, il y a sa fille, donc il doit la protéger. Il est avec son ex-femme, il doit la sauver. Le mec, c'est plus un rigolo, donc, quoi. Ça marche pas, ouais. Mais oui. Ouais, t'es un peu perdu, quoi. Voilà, c'est un film, oui, qui a annoncé, que, voilà. En effet, il n'y avait peut-être pas besoin de faire une suite, le premier se suffisait à lui-même. Mais en tout cas, ça n'a pas arrêté les producteurs, hein, puisque là, on rentre dans les années 2000. Et puis, c'est parti, hein, les séries à fond la caisse, on recycle tout et n'importe quoi. On a donc voulu faire un troisième épisode. Alors cette fois-ci, problème, il n'y a plus John Williams à la musique, il n'y a plus Steven Spielberg à la réalisation. On se retrouve donc en 2001 avec ce film Jurassic Park 3 qui est réalisé par Joe Johnston. On retrouve le professeur Grant, Sam Neill, qui est accompagné de William Macy, hein, qu'on a retrouvé également dans pas mal de séries. Théa Leoni, qui était l'ancienne femme de Duchovny, si je ne m'abuse, mais elle était dans Deep Impact. Voilà, j'arrivais plus à trouver le film où elle était dedans. Et on retrouve aussi Laura Dern, un petit peu, dans le film. Au niveau des recettes, donc, je rappelle, 1 milliard 30 millions pour le premier, 618 pour le deuxième, et là on tombe à 368 millions, quasiment la moitié du deuxième, qui n'était pas non plus le meilleur film du monde, même s'il était sympa. Voilà, là il y a clairement un burn-out des gens pour la série Jurassic Park. Alors, le pitch du film, c'est donc un couple qui a perdu son fils sur Isla Sorna. Son fils qui faisait du parachute avec quelqu'un dont on ne connaît même pas l'identité. Toujours est-il que voilà, le parachute s'écroule, il tombe sur l'île. Et donc, il y a un couple qui fait une proposition au professeur Grant qui n'a plus de sous du tout pour faire ses recherches. Et ils se font passer pour de gros investisseurs qui lui font un bon gros chèque avec plein de zéros, juste pour pouvoir passer en avion au-dessus de l'île. Et puis regarder les dinosaures, et voilà, ils veulent que le professeur Grant soit un petit peu leur guide, leur explique quelques trucs. Appâté par l'argent, hein, pour ses recherches, Grant accepte donc, et leur avion se fait attaquer par un spinosaure, puisqu'ils ont la bonne idée de se poser sur l'île. Hein, donc voilà, le spinosaure déglingue l'avion, et ils doivent survivre sur l'île, et voilà, le professeur Grant comprend que ce couple de milliardaires est en fait un petit couple dont le mec, est, je crois, fait du carrelage ou du chauffagiste, un truc comme ça. Plombier, je crois. Ah, plombier, peut-être. Et voilà, ils partent retrouver leur fils Eric, hein, donc ils ont la certitude qu'il est vivant. Hein, ça fait, je sais plus, ça fait 6 semaines, je crois, qu'il a disparu. Donc voilà, on va repartir à la recherche de ce petit gamin au bout de 6 semaines, qui dans un territoire de Vélociraptor et de T-Rex est sûrement encore en vie. Alors, votre avis sur ce Jurassic Park 3, dont franchement sorti un peu de nulle part, hein, j'ai l'impression, Chappy. Bah, rien que tu me donnes le pitch, je me suis fait chier en fait. Je suis désolé, enfin l'histoire elle pue la merde quoi. Enfin, faut être réaliste quoi. Enfin, là je suis désolé, mais enfin, moi je m'attends vraiment à voir Denver qui sort. Hein. Là, Denver, l'ami des dinosaures. Hein. Et qui vient aider tout ça quoi. Non mais là moi c'est pas possible quoi. Enfin, pour moi là, c'est encore un épisode de trop et je t'empile encore une histoire à la con. Je te sors un speed complètement improbable et puis bah je te mets des effets spéciaux, je t'en mets plein à la tronche. Tiens, mange ton popcorn et ton coca et puis fais pas chier. Quoi. Eh ben, c'est une analyse comme une autre. Je respecte. Est-ce que quelqu'un a un avis différent sur ce film ou pas? Parce que moi, j'ai un avis différent, mais du coup, si. Un peu plus pondéré, on va dire. Mais moi, en fait, je trouve que il part avec deux gros boulets. C'est que les effets spéciaux sont dégueulasses par rapport aux deux autres. Je trouve que graphiquement, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est. Tu regardes la scène du le premier T-Rex qui croise là, qui se fait shooter par le spinosaure. C'est le T-Rex qui se fait shooter par le spinosaure, bah tu reconnais même pas le T-Rex quoi. Tu regardes, tu fais ah ouais, c'est ça le T-Rex de Jurassic Park quoi. C'est incroyable quoi. C'est le truc iconique de la série. C'est une vieille merde sortie de la PlayStation 2. Ah ouais, tiens, ça m'a pas choqué moi. Moi je trouve ça vraiment choquant par rapport aux autres. Après moi voilà, comme je te disais, je suis assez fan moi du fait qu'il y ait quelque chose qui est vraiment quelque chose devant l'objectif, et là moi ça m'avait vraiment choqué quoi. Après le héros principal est sympa à suivre, tu sens qu'il surnage un peu dans le film parce que je trouve que le cast est assez mauvais et que c'est un peu le héros il passe bien quoi. Tu as l'impression qu'en fait Sam Neill c'est le seul qui comprend les enjeux dans son film quoi. Exactement, c'est ça. Et je trouve que justement, du coup, c'est un personnage que tu peux facilement t'identifier à lui, donc du coup, c'est quand même sympa. En fait, il sauve le film à lui tout seul, quoi. T'as quand même envie de voir un peu le bout du truc parce que il y a au moins un personnage dans le tas qui en a quelque chose à foutre, quoi. Mais grave. Alors ouais, le professeur Grant, c'est vrai qu'on peut faire un focus là-dessus, mais le Sam Neill, il porte tellement le film à lui tout seul. à la fois lui en tant qu'acteur et son personnage. Genre, quand Théa Léonie et William Macy sont en train de gueuler Eric, Eric partout, alors qu'il y a des raptors dans le coin, il y a des T-Rex et tout. Enfin, c'est le seul, en fait, qui a une réaction normale d'humain en mode survie de tout le film. Les autres, ils en ont absolument rien à foutre. Ils courent en ligne droite, ils crient dans tous les sens. Enfin, c'est le seul qui se rend compte des enjeux dans le film. Après, au niveau des effets spéciaux, comme je te dis, c'est bizarre parce que j'ai quand même vu pas mal de fois celui, mais ça m'a jamais choqué plus que ça. Mais moi, j'ai pas du tout cet avis négatif sur le film. Je trouve qu'il a réussi le pari que le 2 n'a pas réussi, c'est-à-dire être un bon film popcorn sans être trop entravé par l'héritage de Jurassic Park, quoi. C'est-à-dire que moi, j'arrive à voir Jurassic Park 3 en faisant complètement abstraction que c'est issu de Jurassic Park, alors que le 2, je fais systématiquement la comparaison avec Jurassic Park premier, quoi. Et peut-être l'esthétique est beaucoup plus proche. Peut-être que c'est perso, ouais. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, bon, déjà, ouais, je le trouve divertissant. J'aime beaucoup le passage, notamment avec les ptérodactyles là dans la volière. Je trouve que c'est assez bien fait. Et puis le spinosaure aussi, je trouve qu'il est pas mal fait. Je trouve que c'est une menace bien réelle dans ce film. Alors c'est vrai que, comme le dit Chappy, ouais, y a un gros problème, c'est que l'histoire est pas assez dense. Il y a pas assez d'enjeux pour qu'on puisse s'accrocher au personnage, quoi. C'est un peu ça qui est triste. Le deuxième truc que je trouve ridicule, par contre, c'est le personnage d'Eric, le petit. Comme je le disais, il tombe en parachute dans l'île, qui est infestée de dinosaures qui peuvent le manger en 4 secondes avec des yeux qui voient la nuit, avec un odorat qui est capable de repérer du sang à 5 km. Et le petit, il sauve Sam Neill, il sauve le professeur Grant avec des fumigènes, alors que celui-ci est entouré par 3 raptors. Genre le gamin, il a 12 ans. En 6 semaines, c'est passé du mec qui joue à Pokémon à John Rambo, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quand même chelou, quoi. Un petit de 12 ans ne peut pas s'en sortir sur une île comme ça, alors qu'en plus, il est en pile sur le territoire des raptors, quoi, puisqu'on voit les œufs juste à côté. Enfin, c'est. Le petit, il a réussi. Alors, je me souviens, l'anecdote, c'est qu'il a réussi à récupérer de l'urine de T-Rex pour faire peur au vélociraptor, donc il s'en met sur lui. Et justement, le professeur Grant dans le film lui dit: mais où t'as trouvé ça? Et le petit il dit: oh, vous devriez pas savoir. Et je veux dire, mais quel petit 12 ans est capable de... On va penser à ça, ouais, non mais c'est clair. C'est vraiment ridicule, quoi. Bon, ouais, voilà. Pour moi, c'est pas le plus ridicule du film. La scène, en fait, moi, vraiment, la scène qui résume le film malgré tout pour moi, c'est quand même quand ils doivent absolument trouver un talkie-walkie, et puis là ils entendent un talkie-walkie qui sonne, et le téléphone qui sonne, en fait il sort du caca du spinosaure. C'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment, c'est-à-dire qu'on est, c'est quand même un film où une des clés d'avancée de l'intrigue, c'est qu'il quand même il déterre un talkie-walkie d'un tas de merde de l'ennemi principal. Ouais, mais alors moi, tu vois, je trouve ça bien trouvé, justement. C'est quand même assez grave, quand même. Enfin, c'est quand même... Non, mais quelque chose qu'on ne peut pas réellement laisser passer, quand même. Non, ouais, non, mais le concept du spinosaure qui bouffe un mec qui a le téléphone, et que du coup, tu sais qu'à chaque fois que tu entends la sonnerie, c'est qu'il y a une menace terrible qui est à côté. Moi, je trouve ça plutôt pas mal fait, quoi. Je trouve que ça, c'est un élément de tension que j'ai trouvé plutôt intelligent dans la médiocrité du scénar global, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est moi. Voilà, non, quelqu'un veut rajouter un élément avant qu'on passe... Moi, celui-là, ça n'a pas du tout été mon préféré des trois, quoi. Après, c'est cool parce que tu retrouves le professeur Grant, quoi, puisque dans le 2, il a quand même pas mal manqué. Mais c'est vrai, c'est lui qui porte le film, quoi. Les autres, ils sont inexistants, quoi. Bah, moi, je préfère le 3 au 2, en tout cas. Mais ouais. Moi aussi. Mais... Ah bah non, mais entre les deux, c'est sûr, le 3 passe mieux que le 2, mais c'est dommage de dire que, en fait, bah, de tous les acteurs qu'il y a, et c'est pas des mauvais acteurs en soi, celui qui porte vraiment le film et qui donne toute la crédibilité au film, bah, c'est Sam Neill, quoi. Voilà, et puis on retrouve pas les musiques de John Williams aussi, ça joue pas mal. Et ça, c'est... Ouais. Ouais, c'est un peu triste. Bon, bah voilà, on va passer à Jurassic World. Hein. Là, on va faire un saut de 14 ans entre les deux. Jurassic World. Donc alors là, on change complètement d'univers. Hein. Enfin, je veux dire, au niveau de la production, c'est fini, les films passion. on est un studio, on file un film à un réalisateur en disant tiens tu fais ça, il y a le cahier des charges qui est là et puis ça va engranger la thune. Ça je supporte plus ça dans le cinéma, j'en peux plus, c'est pour ça que j'en parle. En tout cas bref, sorti en 2015, réalisé par Colin Trevorrow, hein, que vous connaissez tous évidemment, je sais même pas qui c'est, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, a.k.a. The Ultimate Waifu, hein, je tiens à saluer à titre personnel Bryce Dallas Howard qui est mon idéal féminin. Omar Sy, alors Omar Sy pareil, on a fait tout un pataquès sur la présence d'Omar Sy dans le film alors qu'il tient un rôle absolument mineur, et Vincent D'Onofrio hein, qui a joué dans la série policière, je me souviens plus ce que c'était, enfin bref c'est un très bon acteur, il a joué dans Apocalypse Now aussi. La recette, alors là tenez-vous bien parce que la recette pour un film qui est sorti en 2015 c'est 1,6 milliard, donc là c'est à dire qu'après 14 ans d'absence on a un film qui a littéralement explosé les chiffres du premier Jurassic Park. Ça montre à quel point l'attente a été incroyable. Le pitch du film, c'est donc après le fiasco de Jurassic Park, les mecs ont eu la bonne idée de recommencer un parc à Isla Nublar, hein, donc la même île où il y a eu le premier Jurassic Park qui a été fait. Mais cette fois-ci, on est plus avancé, hein, puisque le parc est ouvert, il y a des visiteurs. Et donc pour créer la sensation, bah, les généticiens, ils créent l'Indominus Rex, hein, une race hybride, un nouveau type de prédateur. Et le gros problème, c'est que on l'avait jamais vu venir, l'Indominus Rex s'échappe, et c'est la panique dans le parc. Alors là, voilà, on a déjà un pitch qui vous donne... Là, au moins, j'avais au moins 4 phrases pour les autres pitchs. Là, j'ai même pas réussi à en faire 4. Donc déjà, ça montre un peu l'indigence... l'indigence du scénar de ce film. Mais bon, votre avis. Alors attention, Père Chapi, donne-moi ton avis sur ce film. Ah, moi, ce film m'a sauvé la vie. Ah, explique-nous ça un moment. Parce que, en fait, moi, j'ai regardé Jurassic Park World dans un vol de Paris-Tokyo. Ouais. Où il n'y avait absolument rien à voir, à part des films de merde français ou des drames américains à pleurer. Et avec ça, quoi. Donc je l'ai regardé et j'ai réussi à gagner 2 heures dans un vol de 12. C'est bon. Bon, en arrivant sur Tokyo, j'ai acheté une voiture de marque allemande parce que j'en avais envie, je sais pas pourquoi. non, je retiendrai que deux scènes. Une où j'ai absolument écroulé de rire, c'est quand l'hélico de merde, je sais plus qui, se scratch lamentablement parce qu'il passe au-dessus de la volière. Oui, sur le dôme, là, oui. Voilà, c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, bon, le mec, il meurt, mais en fait, non, il n'est pas mort. Donc, ça, tu te dis, bon, bah, ok, c'était naze à chier. Et la séance de dressage de dinosaures. Qui est absolument formidable. Alors ça, oui, bon, on en parle tout de suite, comme ça sera évacué. Mais est-ce que un des gros problèmes du film, c'est pas cette putain de connerie de faire qu'il y a un dialogue possible entre un humain et un vélociraptor ? Est-ce que là, on n'est pas un peu dans l'outrance, quoi ? Je veux dire, il y a 65 millions d'années entre les deux espèces, il y en a une clairement qui sert de gibier, et il y en a une clairement qui sert de prédateur. Je veux dire, tu mets un vélociraptor et un humain dans une cage de MMA... on sait comment le combat se finit, quoi, tu vois. Alors cette volonté de faire que les dinosaures, parce qu'ils sont génétiquement modifiés, sont réceptifs au dialogue. Alors c'est vrai que ça, cette thématique du dialogue, juste pour faire une parenthèse, on l'avait déjà dans Jurassic Park 3, hein, si vous vous souvenez bien. Le professeur Grant voyait les vélociraptors communiquer entre eux en faisant des bruits. On voyait les vélociraptors se décider où aller, dans quel sens se diriger. C'était même dans le premier. Ouais. Ah ouais ? Ah, je me souviens plus. Oui. Ok. Mais premier, là, voilà. Là, c'est vraiment poussé à son paroxysme. Genre, il y a un moyen de communication possible en faisant des clics, hein, apparemment, entre un vélociraptor et un humain. Donc, si jamais vous êtes dans la merde, qu'il y a un vélociraptor devant vous, faites des clics. Ça marche. Enfin, bref, c'est ridicule. Mais. Excusez-moi, pardon. Mais bon, du coup, ouais, par exemple, May, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du film ? Qu'est-ce que t'as pensé de ce revival par rapport au film qu'on avait eu la génération précédente ? Bah là, tu vois, c'est totalement du fanservice. Du début jusqu'à la fin. Quand tu vois les gamins qui se baladent, qui vont à l'enclos du raptor, oh tiens, ils vont lui donner à manger une chèvre, oh, pour l'attirer, qu'est-ce qu'on met ? Un fumigène. Ça te rapporte tout de suite au premier où ils ont utilisé des fumigènes pour le faire s'enfuir, tu vois. Ouais. il y a trop de trucs comme ça, et même à la scène, enfin à la fin, quand le T-Rex revient pour tous les sauver et qu'il pousse son cri, enfin ça c'est vraiment, c'est ce alors film-là, ça... c'est du fanservice de A à Z. Ça, c'est magique hein, quand même, le T-Rex ex machina, quoi, tu vois. C'est vraiment le T-Rex, c'est Dieu. C'est Dieu dans le film. Tu sais, il apparaît à des moments, tu t'y attends pas, il sauve tout le temps les humains. C'est un bon mec, en fait. C'est un bon mec. Ouais, dans le fond, c'est ça. Hein, t'as voulu te faire peur dans le premier avec le T-Rex, mais en fait, au fil des épisodes, bah, tu t'aperçois qu'il est gentil finalement. Ah non, mais T-Rex Osan, c'est un mec qui est émotif. Hein. c'est lui Denver, tu vois. Non, mais vraiment, il est... non, mais c'est, franchement, c'est bah, lui. Moi, c'est après, je l'ai vu, je suis allée au cinéma, j'ai emmené mon fils le voir et tout. Quand il est sorti, le voir émerveillé devant, je me suis dit, bah, ça m'a rappelé moi, gamine, quand j'ai regardé le premier. Donc après, c'était un pari réussi là-dessus pour oui. La nouvelle génération, tu vois. Mais quand tu le regardes toi avec un autre œil parce que tu as eu les autres avant, tu te dis c'est du fan service en veux-tu en voilà quoi. Moi c'est oui, c'est pour ça aussi que je suis un peu j'ai un peu de miséricorde pour ce film. C'est vrai que comme nous on est assez âgés et voilà, je pense que les personnes de plus de 20 ans qui ont connu les autres Jurassic Park, c'est pas possible. De toute façon, même quand tu rentres dans la salle en 2015, tu attends tellement que c'est impossible, c'est impossible de répondre aux attentes. Aujourd'hui, comme je disais, on est dans un mouvement où le cinéma mais propose du fan service, mais outrancier dans tous les films. Hein. C'est vraiment la traite des vaches laitières, quoi, des spectateurs. Mais en effet, ouais, je pense que pour les jeunes qui n'ont pas été au contact des autres Jurassic Park et qui démarrent leur rapport avec la licence avec ce film, bah, je pense que ça leur va bien parce que donc on retrouve les dinosaures, le truc qu'on aime tous quand on est gamin. Et en plus, tu as un fan service qui est assumé, et eux, ils en ont les codes, les jeunes, de ce fan service, tu vois. Ils ont grandi avec ce cinéma-là, donc du coup, ça les choque pas plus que ça. Tandis que nous, ça nous choque énormément parce qu'on n'avait pas l'habitude de nous prendre par la main. Et c'est ça, nous, on n'avait pas besoin d'être pris par la main dans un film. Je veux dire, on savait quels étaient les tenants, les aboutissants. Il n'y avait pas besoin de nous dire, ah bah tiens, ça, il va s'en servir plus tard parce que finalement, il peut communiquer avec les animaux. Alors, retiens bien cette scène, hein, parce que ça va revenir tout à l'heure. Enfin, tu vois, ça se passait pas du tout comme ça dans le cinéma d'aventure avant. Et là, les fusils de Tchekhov, c'est vraiment, il y en a à foison, quoi. Enfin, on te tient par la main de bout en bout dans le film. Mais ouais, je trouve ça hyper dommage. Enfin, bref, du coup, Kylvan, toi ? Alors, bah... Moi, je l'ai quand même vraiment grandement apprécié le film parce que malgré tout, bah il y a 15 ans entre celui-là et le 3, quoi. Enfin, il y a 14 ans entre les deux. Et bah, moi, je suis allé le voir avec des potes d'enfance, donc on était des connards. On l'a vu, on avait 4 ans, là on avait 25 et quelques. Et on est quand même, on est allé le voir à cet âge-là, aller voir des films avec tes potes, bon. Ça se fait de moins en moins, tu vois, parce ouais. que bon, l'air de rien, t'as des responsabilités qui arrivent, etc. Donc du coup, arriver tranquillement devant un film comme ça et voir que bah, je trouve que les trois premiers, les 45 premières minutes du film, c'est génial. Hein. C'est pour moi, c'est au niveau du premier. La mise en place, elle est bonne. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour moi, c'est vraiment au niveau du premier. Genre tout le parc, comment c'est fait, tout le fait qu'ils aient bien réussi à tout remettre au goût du jour au niveau technologie, le fait qu'il y ait des hologrammes de etc. Même esthétiquement parlant, c'est superbe, les prises de vue, la musique un peu retrouvée, genre parce que la musique du 3 c'était assez faible. Là, on a quand même des thèmes musicaux qui sont quand même plus sympas. Voilà, enfin tout le début, toute la présentation du parc, c'est génial quoi. Le problème, c'est que et ça fera la même chose avec c'est la même chose que Star Wars épisode 7, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est bien, tu retrouves un peu le truc que t'attends, parce que t'as vu quand t'étais gamin, mais malheureusement, en fait, si on te propose exactement le même film, qui forcément, vu que tu l'as déjà vu, ce film, bah tu vas le trouver moins bien, bah forcément, parce que c'est un truc que t'as déjà vu. Et bah là, c'est exactement le même film. Et tout comme un des défauts du premier et du... et même de tous les Jurassic Park, c'est que la péripétie, l'histoire et les péripéties de ce film ne peuvent s'activer que via la stupidité des personnages. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, si les personnages n'étaient pas complètement cons, et que voilà, si c'était pas des plots, il n'y a pas de péripéties possibles dans le film. C'est juste un, c'est theme park. Oui. Le film. Non, mais c'est vrai. Donc, hein. On se retrouve. Donc, en fait, et quand t'es gamin, tu vois pas les ficelles comme ça. Donc, du coup, bah, tu vois, le con, il est, le scientifique, enfin, le banquier dans le premier, là, il fait de la merde, ça te paraît logique. Là, tu dis, ouais, non, mais oui, non, mais là, forcément, bah, il fait si, s'ils veulent libérer l'une des ministres, il faut que le machin fasse de la merde et qu'il débloque la porte et tout. Donc, du coup, tu vois arriver le truc avec ses gros sabots. C'est vrai, la libération de l'Indominus Rex, donc qui est le point pivot hein, du film, hein, sans quoi il ne se passe rien. C'est vrai que c'est quand même ridicule. Enfin, je veux dire, quand tu travailles dans un environnement aussi dangereux, il y a des consignes de sécurité, il y a des procédures. C'est inimaginable ce qui se passe en fait. C'est vrai. C'est ça, c'est inimaginable. Et tu te dis que un dino, parce que dans celui-là, pour le coup, ils sont pas genre le parc est plein. Hein. Donc du coup, dans celui-là, ça crée des centaines de morts, voire des milliers de morts. Ouais. Ah, et tu dis, que le truc se court-circuite autant, tu te dis, c'est gros, quoi. Mm. C'est dans les autres, ça faisait slasher, mais du coup, il y avait pas beaucoup d'humains, donc ça restait cohérent. Là, franchement, tu vois le truc, une super production, machin. Genre, limite, dans la vraie vie, ce parc, il existe. Si t'as pas le badge pour biper la porte, même si t'es interne de la boîte, tu ouvres pas la porte, toi, c'est fini. Mmh. C'est vrai. Et tu t'arrêtes là, le film, c'est tout. Ah merde, j'ai pas mon badge, putain. Et voilà, et tu l'as dans le cul. Et bah là, tu te dis, le mec, il fait sortir le truc. Après, ça fait voler un truc, ça explose la volière. Après, t'as des ptérodactyles qui commencent à faire des plongées en mode lac des cygnes, là, pour buter les mecs. Non, enfin, faut arrêter. Puis derrière, voilà, comme dit, il y a l'autre gros problème, c'est la barre de rire du film, c'est que t'as carrément un personnage, Chris Pratt, là, genre, il parle à ses amis dino, et après, il prend une moto, comme ça, il fait il va en moto, comme ça, ouais, et après, il regarde les dinos qui courent à côté de lui, il regarde les dinosaures à côté de lui, puis il fait yeah, il le dit pas, mais toi, tu l'entends, parce que tu vois, il fait je suis badass avec mes dinosaures et tout, la merde, quoi. Et après, l'autre truc qui est horrible, c'est que tu te dis quand même, il y a une tension et tout, il y a le méga dinosaure trop badass et tout. Et ça finit comment? Et bah, t'as la nana qui court en talon! Elle court en talon! Oui, c'est-à-dire qu'elle va se faire tout le film en talon! Pour aller sauver le genre, oh, s'il te plaît, Deus Rex Machina, sauve-nous, par pitié! Et elle court comme ça, elle va chercher le T-Rex. Et tu crois que ça se finit là? Mais non! Il faut que ce soit le petit raptor qui fasse diversion pour que le T-Rex mette un coup dans l'Indominus Rex et pour qu'après ça le combo finisher avec une espèce de grosse merde qui est dans la bête flotte là. Non mais pitié quoi, au bout d'un moment, voilà, pour redescendre sur Terre, on a beau avoir eu les 45 premières minutes. C'est de la merde en barre. On ne peut pas justifier quoi que ce soit sur ce film. Non, mais c'est, voilà. Et moi, je trouve que non, mais c'est beau. Et c'est vrai que je trouve. Alors ça, c'est un défaut que je trouve présent dans de nombreux films aujourd'hui. C'est que t'as des films avec des productions énormes, avec il y a une machine derrière qui est absolument énorme. Hein, quand j'en parle des films Marvel, des trucs comme ça. Et il y a des trous scénaristiques, mais qui sont inexcusables. Je veux dire, quel moment du process, quelqu'un n'a pas dit, mais ça, ce n'est pas possible. Et je parle pas que de Jurassic World, hein. Mais dans les films, oui. Il y en a tellement des moments what the fuck comme ça où tu te dis, mais ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas possible. Ouais, mais Vince, mais il l'a bien souligné. Un gamin de 10 ans, il en a rien à foutre. Mais oui, mais là, c'est des gros dinos. Là, l'audience, elle est universelle, quoi. Quand tu vises un, quand tu ouais, vises, mais ils s'en battent, parce que en fait, je pense que Jurassic World 2, c'est pareil. L'idée, c'est de faire attirer des gamins. C'est pas des adultes, en fait, la cible. Alors ça sera encore plus le cas, à mon avis, dans le Fallen Kingdom. Mais bon, en tout cas, je retiens que t'as fait un très bon parallèle, Kylvan, entre c'est toi, May, sur Star Wars, je sais plus. C'est Kylvan. Mais en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est vrai que tu te retrouves avec le premier film, mais avec les limitations imposées par le cinéma actuel. Toi, t'as pris 15 ans, donc du coup, t'es un peu moins con devant, quoi. Mais ouais, je suis en train de réaliser ça. C'est vrai que c'est exactement l'effet que j'ai eu en regardant Star Wars 7. J'ai bien aimé le film, tu vois. Mais il y a tellement de trucs qui n'ont pas fait sens que ça m'a. Il y a des moments, ça m'a sorti du film, quoi. Ça me. Et quand t'étais plus jeune, tu les voyais pas, en fait. Non, je pense pas. Mais voilà, c'est malgré tout, c'est pas un mauvais film. Hein. Ah non, c'est pas un mauvais film, mais c'est juste que il part sur des standards qui sont. voilà, c'est, ça va pas, quoi. Faut pas avoir les mêmes standards, tout simplement, quoi. Exactement. Bon, on va finir sur la purge, putain. Alors là, c'est franchement, moi j'en ai. Alors c'est la deuxième fois qu'on fait ça, qu'on commence dans la bonne humeur et que je vais finir par m'énerver sur le dernier sujet. Mais bref, ça fait vraiment chier. Le dernier film, donc Jurassic World: The Fallen Kingdom, qui est sorti cette année en 2018, qui a été réalisé par Juan Antonio Bayona. On retrouve le duo Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Recette 1,3 milliard quand même, hein, 300 millions de moins que le premier, mais bon, c'était plus une nouveauté du coup. Donc c'est quand même très fort d'avoir fait 1,3 milliard sur une licence qui était déjà existante. Alors le pitch du film, donc, c'est qu'il y a des militaires qui s'emparent d'un morceau de squelette de l'Indominus Rex, qui a été retrouvé au fond de la mer, qui a été sans doute chié par le dinosaure qui l'a mangé, là, le dinosaure aquatique. Donc il s'empare de ce squelette pour créer une arme biologique meurtrière. On a Bryce Dallas Howard, donc Claire Dearing, qui est passée, alors ça c'est magique aussi, qui est passée de présidente d'un grand groupe qui a servicé les dinosaures dans un parc, à meuf qui gère une association de préservation des dinosaures. Le shift quand même dans sa carrière, il est violentissime. En tout cas, donc Isla Nublar est menacée par une éruption volcanique. Donc, elle va, avec Chris Pratt, essayer de sauver des dinosaures. Elle est contactée par Ellie Mills, qui est un financier du collègue de John Hammond, collègue qu'on n'avait jamais vu dans aucun autre film. Mais bref, il est là donc pour sauver les dinosaures et les envoyer dans un sanctuaire de paix, hein, une espèce d'île où ils ne seront pas dérangés. Donc, évidemment, Claire, en voyant ce projet de sauver tous les dinosaures, elle accepte. Mais retournement de situation incroyable, le mec les récupère en fait pour les vendre comme des armes à de riches commerçants étrangers, dont un nouvel hybride qui a été créé 100% génétiquement entre l'Indominus Rex, ouais, c'est ça, et le Vélociraptor qu'on appelle l'Indoraptor. Alors là, yeah, on est quand même, on est quand même sur une tension extrême. Franchement, j'ai mis dans mes notes, la seule chose que j'ai mis, c'est: doit-on parler de cette merde? Point d'interrogation. C'est-à-dire que là, on perd absolument tout le respect que les scénaristes eux-mêmes avaient pour la licence et que les spectateurs étaient en attente d'avoir de la licence. Là, je pense que tout, ça ressemble bien à notre société en fait, hein, quand tu parles de Justice Warrior, tout ça. Enfin, c'est vrai que là, on travestit absolument tout ce en quoi on croyait pour en faire un vulgaire film popcorn qui plairait juste à de jeunes décérébrés. Enfin, moi, je trouve ça grave. Faire des films comme ça, je trouve ça très grave. Surtout quand on part de postulats aussi prestigieux que la série Jurassic Park. Mais de toute façon, c'est pas le premier film à avoir trahi complètement une licence, et ce sera sûrement pas le dernier. Mais franchement, comment expliquer ce qui ne va pas dans ce film? J'ai du mal. Est-ce que quelqu'un veut parler de ce film d'abord? Allez-y. Alors moi je pense que ça aurait pu être très drôle si tu avais remplacé les riches personnes qui voulaient l'acheter par des maîtres kebabiers. Non, mais c'est... Là, t'imagines, en fait, ils étaient là et en fait, ils veulent acheter des dinosaures pour lancer une nouvelle marque de kebab. Le kebab à viande de dinosaures. Et là, ils auraient pu faire un truc drôle pour le coup. Ça aurait été plus drôle, en fait. Non, c'est vrai que. Non, mais. Moi, ce film, il m'a. Alors, évidemment, c'est peut-être un peu. C'est peut-être un peu outrancier ce que je dis, mais il m'a choqué, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que je partais avec des postulats qui même ont été remis en cause, alors que même dans Jurassic World, on prenait beaucoup de liberté avec les dinosaures et avec l'histoire le lore de Jurassic Park. Mais alors dans ce film, c'est vrai qu'on se fout de notre gueule à un niveau mais qui est complètement hallucinant. Alors que ce soit par les personnages, je vous disais Bryce Dallas Howard qui passe de la chef d'entreprise capitaliste ex plus à présidente d'assaut. Le casting où on met évidemment une asiatique, on met un noir et on met le couple de blancs, le T-Rex ex machina, hein, T-Rex San qui est de retour plus fort que jamais. C'est le meilleur d'entre nous. Ah non, mais il est trop fort. Et surtout voilà l'aspect commercial, enfin la vente de, des dinosaures avec ce, ce Indoraptor, mais qui ne correspond plus à rien. Enfin, je veux dire, on est, on a même pas peur tellement il n'existe même pas. Enfin, c'est ridicule. Je veux dire, là, en plus, il y a de l'anthropomorphisme, mais vraiment outrancier, quoi. C'est-à-dire que la scène, par exemple, où il ouvre la porte, la, la petite fille se cache dans le lit, il ouvre la porte tout doucement, tu vois, on dirait que t'es dans un slasher des années 80. Il est là, il pointe sa griffe sur le drap de la petite fille qui est sous le, qui est sur son lit là, mais c'est, enfin c'est vraiment ridicule, c'est ridicule. Et là encore, une, comme ce que Kylvan disait juste avant, ça se barre en couille, mais encore d'une façon, mais qui est totalement impossible. C'est-à-dire que t'as le mec quand même, donc pendant la vente là, il y a une, il y a un petit dinosaure à tête, comment dire, un casque là de fer là, enfin bref, qui bourre tout le monde. L'Indominus, l'Indoraptor se retrouve tout seul dans la cage. Et là, t'as le chef des chasseurs. Donc le mec qui a, allez, quoi, 35 plus ans d'expérience dans la chasse aux fauves. Le mec, il ouvre la cage pour aller dans la cage où il y a l'Indoraptor pour lui choper une dent, tu vois. Je veux dire, au niveau inconscience plus plus, le mec, il est master, quoi. Et après, il s'étonne de se faire bouffer le bras et de libérer l'Indoraptor pour aller, pour qu'il sème la pagaille. Enfin, je veux dire. Mais c'est un tel manque de respect, les intrigues politiques dans un Jurassic Park, c'est pareil, c'est un tel manque de respect. Enfin, vraiment, le film ne sait pas où il va. C'est vraiment. Moi, je pense qu'on peut, on peut clôturer avec une bonne question. Jurassic World 3 arrive en 2021. Y aura-t-il des cyber-dinosaures? Mais c'est rigole, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Le pire, c'est qu'on en est pas loin. De toute façon, c'est l'étape d'après. C'est le cyber-dinosaure dans l'espace. C'est... Non, mais ce qui est fou, voilà, c'est en plus le quand on à la fin du film, la petite fille qui est donc un clone, elle a le choix de relâcher ou non les dinosaures quand il y a le feu dans le complexe là. Évidemment, elle, ayant découvert que c'était un clone, elle a une empathie pour les dinosaures et donc elle relâche tout le monde dans la nature. Ce qui fait qu'on se retrouve, mais avec ce what the fuck absolument édifiant, qui justement avait été prévenu dans tous les autres Jurassic Park par le fait que c'était une île. Mais on se retrouve donc avec tous les dinosaures qui se retrouvent dans notre monde et qui vont devoir s'adapter à notre écosystème. Et alors là, bah voilà, on va avoir tous les animaux qui vont disparaître. Ça va être l'extinction. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le postulat de départ du prochain film? Là, on est vraiment arrivé à du n'importe quoi. Moi, je mets mon billet maintenant. Hein. Dans le prochain, il va y avoir un mec. Il aura mis une selle à un T-Rex et il coursera des trucs sur un autre T-Rex. Je mets 20 balles maintenant et on verra quand il sort si j'ai pas raison. Je suis sûr et certain que ça va partir dans un délire comme ça. C'est obligatoire. Non, mais c'est quand même grave en 5 films qu'on soit tombé d'un univers d'une telle cohérence à un univers mais qui n'a plus aucun sens. Enfin, c'est. Et là, c'est pareil. Évidemment, on retrouve aussi la problématique de Chris Pratt avec Blue, qui est, je crois que c'est un peu le Jésus des dinosaures. Hein. Blue, c'est le dinosaure qui a vu la lumière. Mais, enfin, ouais. C'est quand même un manque de respect énorme de toutes les conventions qui ont été en place dans la saga depuis le départ. Quoi. C'est pas possible de faire un film comme ça. C'est même, enfin voilà, même au niveau de l'acceptation des trous dans le scénario. Enfin, je sais. Moi, je vais quand même essayer de le défendre un tout petit peu, même si bon, c'est pas une grosse défense, hein, c'est pas impénétrable. Hein. Non, non, mais attends, le film n'est pas nul à chier à 100%, mais. Voilà, il y a 99. Mais en fait, j'ai l'impression que ils avaient eu une idée de film. Ils ont eu deux idées. Ils ont eu faire une extinction de l'île. Parce que en gros, dans le film d'avant, c'est la même île que dans le premier film. Il y a quelques petites scènes qui étaient vraiment sympas où on voyait ils étaient dans le hall de la scène de fin du premier. Oui. Où tu vois les lunettes vertes des. Ça, cette partie. Cette partie éruption, je suis d'accord avec ça, moi. Enfin, je veux dire, et donc cette partie-là, donc ils ont voulu faire ça, et ensuite, je pense qu'en fait ils se sont dit merde, mais on tiendra jamais 2 heures comme ça parce que c'est un blockbuster de l'été. qui doit sortir. Donc du coup, faut qu'il fasse ses deux heures. Faut qu'il fasse ses deux heures et faut qu'en gros, il fasse son blockbuster. C'est vrai qu'elle arrive vite, hein, l'éruption en plus dans le film. Voilà. Et juste, je pense que moi, ils se sont dit bon, donc là, on n'a pas de matière pour faire tenir tout un film sur ça. Faut qu'on trouve quelque chose. Alors, et là, ils ont une idée qui n'aurait pu ne pas être conne, mais qui est complètement ratée. S'ils se sont dit, on va faire un truc à huis clos. Chose qui est pas fait dans les autres Jurassic Park. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est dans le manoir. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. Là, ils ont voulu dire, on va déplacer la tension. Le côté claustrophobique des épisodes d'avant, où c'était juste quelques petites scènes où, en gros, les scènes où tu te retrouves agglutiné dans des petits endroits, bah, ça fait, ils te laissent respirer par la suite avec des grands espaces, des grandes courses-poursuites, des grands trucs. Là, et là, je me suis dit, bon, bah, là, ils sont loqués dans un manoir, ils se disent, bon, bah, on va peut-être faire ce film-là. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont tout foiré sur cette partie-là. L'intégralité de ces ah oui, c'est à chier dedans. C'est nul de A à Z. C'est-à-dire que l'Indominus Raptor, là, on dirait un putain de truc de Tex Avery. Hein. C'est ah incroyable. Ouais, c'est il, ouais. Il est monstrueusement nul, ce méchant. C'est horrible, quoi. En plus, vu que c'est une espèce de bestiole qui n'existe pas, bah, t'as aucune. T'as pas l'espèce de tension naturelle où t'as l'impression que t'as, en face de toi, en fait, t'as juste un animal sauvage qui veut te bouffer. Ouais, c'est ce là, c'est une création de merde ou qui, enfin, ça va à l'encontre même d'un méchant Jurassic Park quelque part. L'Indominus Rex, ça passait encore parce que c'est le premier film qui dit en gros, ouais, faut qu'on ramène des nouvelles espèces et tout. Mais t'as quand même l'impression que le truc, ça reste quand même plus ou moins un truc qui veut te bouffer, quoi. Je suis après, d'accord. Et après, bon, il y a des passages où il tue pour se faire plaisir, mais tu te dis, bah, c'est parce que justement, c'est un truc, c'est une manipulation génétique qui a foiré. Mais du coup, si tu ramènes à peu près le même pitch, où genre, en gros, t'as un raptor Tex Avery, là, qui fait des blagues dans son manoir de merde, ça fonctionne pas, quoi. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils se sont dit, bon, bah, le manoir, ça suffit pas non plus, on fait de la merde, bon, Nick, vas-y, on va faire un troisième arc. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces abrutis? Ils se sont dit, alors, quel est le truc qui a fait le plus polémique dans les autres films Jurassic Park? Ah oui, la fin du 2, c'est vrai. Quand on avait ramené les dinosaures pour faire l'hommage à King Kong et pour ramener les dinosaures dans le monde réel. Et ces abrutis-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait toute une scène comme ça. En plus, c'est pas mal, parce que ça aurait pu être une fin de série, parce que bon, c'est un film de merde, ok, mais genre quand ils disent, non, bon, quand même, les dinosaures, ils ont eu leur chance... On va les laisser mourir dans leur gaz. En plus, genre, ils sont en train de mourir. Genre, c'est scène entre guillemets, émotion un peu triste. Enfin, ouais, ouais. Oh, les dinosaures, ils sont en train de tous mourir. Et puis là, t'as l'espèce de la petite fille là, qui, je sais pas, est bourrée. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a trouvé du schnapps quelque part. Et elle dit, tiens, je vais appuyer sur le bouton. Ah, regardez, j'ai libéré les dinosaures. Bah, j'ai libéré les dinosaures. Alors, on a libéré les dinosaures. Bah, youpi. Et puis tu te dis, bah, donc du coup, maintenant, comme tu dis, bah ouais. Bah là on part pour dinosaures, les dinosaures font du ski, les dinosaures sont au Far West, dinosaures dans la jungle, dinosaures machin, enfin au bout d'un moment on est fin, dinosaures font du shopping, il va y avoir des défilés de dinosaures chez Prada et tout, non mais faut, au bout d'un moment ils se foutent de la gueule du monde quoi, enfin, tu sens tellement qu'en fait ils ont, enfin la série, ils l'avaient ramené pour un shot sur Jurassic World, ça avait plus ou moins, ils avaient quand même plus ou moins réussi à nous faire. Oui, ils avaient tenu la barre quand même, quoi. Ils avaient tenu la barre, même s'ils nous avaient fait rigoler beau. Enfin, moi, ils m'avaient fait rigoler, il y a des trucs inadmissibles dedans, mais ça marche. Là, tu vois clairement que dès le deuxième film, après le Jurassic World, ils ont plus rien à raconter. C'est-à-dire, ils se rendent compte, en fait, c'est une histoire. Et ça, je suis entièrement là. Chappy avait commencé ça en début d'épisode. Mais en gros, ça aurait dû rester un one shot. Parce qu'en fait, il n'y a pas matière à faire plusieurs films. Il n'y a pas il y a une seule histoire, il y a une seule morale, il n'y a pas 15 000 putains de morale à avoir avec cette série. Et donc celui-là, il te prouve par A plus B que, en fait, à part vous faire des effets spéciaux et faire du pur divertissement, et en fait, il n'y a plus rien à faire. Dès Jurassic World, le premier. Donc là, ils vont nous ramener un troisième. Il faut le taguer comique, vraiment, directement, qu'on va avoir une comédie. Parce que sinon, ça fonctionnera pas. Là, j'irai pas le voir. Avaler aux gens, que ce que tu vas voir, c'est un film de science-fiction. C'est pas possible, quoi. Moi, j'irai pas le voir. En tout cas, le 3, ça c'est certain. Je vais pas dépenser mon argent. Je me suis déjà fait avoir une fois. C'est comme le Alien. Hein. Maintenant, c'est terminé. Depuis Covenant, c'est fini. Ah, mais la Fox a tout annulé. Bon, après Disney a racheté la Fox, donc du coup, peut-être qu'ils relanceront Alien. Ouais, peut-être Alien versus Jurassic World, peut-être s'ils sont aussi, j'en sais rien. Voilà, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. On en est. On prend où on en est. Pourquoi pas. Ah ouais. Puis non, mais moi j'en ai marre de voir voilà les séries qui sont chères à mon cœur voilà, se faire, enfin terminer dans une boucherie cinématographique. Enfin c'est vraiment triste. Hein. Moi je suis en colère, mais je suis avant tout triste quoi, parce que c'est tellement loin de ce qu'on a aimé et de ce qu'on attendait. Enfin c'est. Mais ce qui est dommage en plus, c'est dommage comme tu dis, on finit l'émission sur ça, mais en fait c'est le seul qui est vraiment réellement mauvais. Ah oui, bah oui, non, celui-là il est gars. C'est ça parce que les autres, ils sont pas. Tu peux dire qu'ils sont pas bons, moyens et tout, mais ça va, ça fait. Il y a des trucs qui rattrapent quand même quoi. Alors que voilà, là, mais celui-là pour moi, enfin j'aimerais bien vraiment, enfin j'aimerais bien un jour voir quelqu'un qui a vraiment adoré ce film, mais qui m'explique pourquoi en fait. Ouais. J'aimerais vraiment, hein, je dis pas ça pour troller parce que je. Pour moi, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est. Soit. Enfin, ouais, je sais pas quoi. C'est... Ouais, bon, ça fait chier en tout cas. Ouais, bon, bah écoutez, voilà, on a dépassé un petit peu l'heure, je crois, je suis pas très sûr. Mais ouais, ça fait chier de finir sur ce film quand même, parce que la saga est quand même. Enfin, la thématique est extraordinaire, et puis voilà, on a tous tellement aimé le premier. En tout cas, voilà, on a fait un tour d'horizon à chacun sur ces 5 épisodes. Comme on le disait, on va attendre le prochain en 2021. Mais oui, le 3 va remettre ouais, ça... zéro. Oui, franchement, Mecha T-Rexan versus Chevaucheur Fou du Indominus Rex, on va y aller. Hein. Ouais, y aller. C'est... Non, franchement, ouais, c'est triste. Ouais. En tout cas, on verra si le temps nous a donné raison ou si on se moque pour se moquer, mais je pense qu'on n'est pas forcément dans le faux, malheureusement. Pas dans le faux, ouais. Non. Bon, en tout cas, voilà, on va vous remercier d'avoir suivi une nouvelle fois ce podcast. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir comme ça une petite rétrospective sur la saga Jurassic Park en compagnie des habitués. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de discuter là-dessus. Et puis bon, voilà, on prend toujours des films où on est au moins quelques-uns à vraiment avoir des analyses dessus ou avoir vraiment pas de l'amour, mais de la considération pour ces films. Reste que voilà, Jurassic Park restera de toute façon un film d'aventure inégalé. Je pense qu'il faut terminer sur une bonne note. Et malgré tout ça, c'est que ouais, c'est ça, ça reste des films où on aura toujours le doute d'avoir quand même envie d'aller le voir quoi. Mais c'est ça. Ah oui, clairement, ouais. C'est voilà, parce que le premier a tellement été magique que voilà quoi. C'est ça. Bon, bah écoutez, merci à tous. Merci Kilvan, merci Mechan, et puis merci Chapi. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster ce podcast au moment où vous l'écoutez. Vous le savez, mais moi, je ne sais pas encore. Mais ce sera dans quelques jours. Je pense que ce sera donc on sera la fin octobre, si je ne m'abuse. En tout cas, merci à tous. Et puis, bah écoutez, à la prochaine pour un retour au numéro habituel du Comptoir du Cercle. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye.